L'agence de presse d'internet russe Svobodnaya Pressa a récemment inséré un écrit d'un expert des affaires coréennes de l'Académie des sciences de Russie qui souligne que la Corée est une puissance militaire capable de faire face à toute provocation des forces d'agression.